Chapitre 16e, Vengeance de Le Noël. L'excellent Le Noël vivait, nous l'avons dit, à Neuilly pendant la saison d'été. Pour avoir le champ libre, sa femme et son ami l'avaient encouragé à choisir l'île de la Grande Jatte comme son quartier général. Monsieur Le Noël avait appris l'affaire de la vipère et il avait quitté ses lignes pour courir chez le docteur. Il ne cessa de prodiguer les fritures les plus délicates qu'il envoyait vivante à la convalescente. Les choses en étaient là quand l'existence de Le Noël fut bouleversée. Un jour, il eut dispute sur l'eau avec un canotier inconnu qui dérangeait le cou du bonhomme en passant dessous par méchanceté. « Vieux cocu, va !» dit le canotier. « Imbécile !» lui dit Monsieur Le Noël. « Tu me traites de cocu et tu ne me connais pas. »« Je te connais, vieux crétin !»« Et si tu ne me crois pas, va cette nuit chez toi, passe par-dessus ton mur, et si tu ne trouves pas ton ami Leblanc en train de te faire pousser des cordes de 3 mètres de haut, je consens à passer pour un merlan frit. » Monsieur Le Noël était atterré. Le canotier railleur ajouta « Tu tais ton bec, tu commences à voir clair dans ton affaire, et tu te trouves jaune comme le ventre d'une tanche, et tu as ces cornards depuis 10 ans. Tu en prendras ton parti. Le vicomte de Nérac continuera à toucher sa paye pour caresser ta femme. » Et le canotier continua ses accablantes révélations. Le Noël conserva au fond, malgré une colère froide et terrible, la pleine possession de ses facultés. Il répondait au canotier juste ce qu'il fallait pour que celui-ci fût poussé à de nouvelles invectives. Le Noël obtint toutes les révélations capables de le convaincre de son malheur. Il aurait voulu appréhender ce canotier, mais celui-ci avait une yole trop légère pour être atteint, il fallut le laisser échapper. Monsieur Le Noël combina son plan. Il plia ses lignes, regagna sa chambre, s'habilla en bourgeois et il partit pour Paris. Là, il acheta un revolver. Susceptible, il sentait l'outrage sanglant qui lui avait été fait chaque jour pendant tant d'années et il s'irritait d'avoir été bafoué. C'est dans cet état qu'à 2 heures du matin, il renvoya son cocher. Il était en face de chez lui. Il fit le tour de la maison, prit une vieille civière sur le fumier dont Leblanc avait fait connaissance. En tombant dessus, il appliqua cette civière au mur du jardin. En grimpant sur le tablier de la civière, il se trouva assez haut pour pouvoir se hisser sur le mur à la force du poignet. Point de chien chez lui. Madame Le Noël n'en avait jamais voulu, et cela pour cause. Leblanc entrait chaque nuit par une petite porte basse du jardin dont il avait la clé. Le chien lui dénonçait à la servante. Monsieur Le Noël arriva sans encombre jusqu'à la porte d'entrée de la maison. Celle-ci était ouverte. Il fallait que Leblanc pût aller et venir sans obstacle. Le Noël pénétra donc chez lui. Il avait chaussé des espadrilles. Le revolver en main, froid comme un juge, calme comme un juré, impassible comme un bourreau, il monta les escaliers lentement. Arrivé devant la porte de sa femme, sans essayer de l'ouvrir, il l'enfonça d'un coup de pied avec une vigueur qu'Armand eût admirée. Il vit le pseudo-vicomte épouvanté sauter hors du lit et Madame Le Noël effrayée se glisser dans la ruelle. Monsieur Le Noël tira sur le vicomte d'abord et sur sa femme ensuite, et il visa si sûrement qu'une balle suffit pour chacun des coupables. Tous deux se débattirent agonisant pendant que la Marion accourait. Elle entendit son maître dire « Vous m'avez trouvé bien ridicule pendant des années. Je dois vous paraître terrible à cette heure. Personne ne rira plus de moi. » Et à la servante « Marion, de la lumière. » Quand elle eut allumé, Monsieur Le Noël entendait de Nérac râler son dernier souffle. Madame Le Noël était déjà morte. On éveilla des voisins qui servirent de témoins au commissaire lorsqu'il m'a arrêté Le Noël. Celui-ci eut une belle attitude. « Messieurs, on peut se moquer des cocus qui supportent leur honte, et vous avez le droit, pendant longtemps, de me croire un mari complaisant. Vous comprenez aujourd'hui qu'il n'en était rien. » Et il ajouta « J'ai en vain cherché des excuses à ma femme et à son amant. Je n'en ai pas trouvé. » Tous les hommes présents verserrent la main de Le Noël. Une charcutière qui jusqu'à ce jour l'avait méprisé dit tout haut « Le bonhomme est un homme !» Et personne n'eut un mot pour plaindre cette bégueule de Madame Le Noël. Son amant jouissait depuis longtemps de l'aversion générale du quartier. Dès le premier jour, M. Le Noël eut pour lui l'opinion publique. Mis en liberté sous caution, il passa aux prochaines assises. Le jury l'acquitta à l'unanimité. Mais il fut condamné en police correctionnelle, pour coups et blessures, ayant aussi un individu qui, le premier jour où il revint pêcher après son acquittement, eut l'air de ricaner. Cette exécution d'un farceur coûta 16 francs d'amende et 30 francs de frais à M. Le Noël, mais lui assura la paix et la tranquillité, on le redouta. Inutile de dire que Fabel conserva plus que jamais son affection et son estime à son ami. Armand fit de même, et aussi Fernande.